Voilà, merci beaucoup Luc pour cette très aimable et très flatteuse introduction. Merci à Olivia qui a préparé l'exemplier. Et merci enfin au public, attentif et fervent, c'est agréable de parler devant vous. Alors effectivement, je vais vous parler du sentiment monarchique dans La recherche du temps perdu. L'affaire est entendue, Proust n'est pas Maurras, et La recherche ne sera pas un grand roman monarchiste. Ce n'est pas un roman qui plaide, avec les moyens propres du roman, pour la restauration de la monarchie. Ce n'est pas un roman qui vise à renforcer chez le lecteur l'amour ou le respect de l'idée royale et des personnes qui l'incarnent. Pourquoi ? C'est assez simple au fond. Le moment historique de La recherche est bien connu. La toile de fond du roman, sa texture intime, intègre les conséquences de ce qu'on pourrait appeler, d'un point de vue monarchiste, la décennie manquée, celle que raconte si bien Daniel Halévy dans La fin des notables et La République des ducs. Vous le savez, le comte de Chambord refuse d'adopter le drapeau tricolore et fait ainsi avorter l'espoir d'un retour des Bourbons. Le duc de Breuil et le maréchal de MacMahon, qui sont au pouvoir, ne parviennent pas à donner une traduction politique à leur désir de restauration. Et ce sont donc les républicains, les opportunistes, puis les radicaux qui vont prendre en main les destinées de la France. Et La recherche se fonde sur ce clivage de valeurs. Regardez, c'est le premier exemple. Au temps de ma petite enfance, tout ce qui appartenait à la société conservatrice était mondain, et dans un salon bien posé, on n'eût pu pas recevoir un républicain. Alors, c'est très net. Vous avez d'un côté ce qui est républicain et qui relève du paradigme de l'utilité politique et qui est le repoussoir des élégances mondaines, et de l'autre côté, le côté mondain, on pourrait dire aussi le côté poétique, même si c'est une poésie qui est parfois très satirisée ou très satirique. Eh bien, sur le monde, sur le côté mondain, règne en revanche un roi fantôme, vénéré mais très absent. Et en cette absence de souverain légitime, en cette absence de cour, vous le savez, ce sont le duc et la duchesse de Guermantes qui assurent poétiquement l'intérim. Et plus continuellement et plus brillamment que la princesse de Parme, il règne, à tous les sens du terme, sur la portion la plus désirable du monde social. Et regardez l'exemple 2, parce qu'il est joli, c'est une analyse de Gracq. Pendant près d'un siècle, cela commence avec le règne de Louis-Philippe. « Allez-vous aux Tuileries, Madame la Duchesse ?»« Oui, dans le jardin. » Et cela culmine avec le monde de Proust et le salon Guermantes, où l'on regarde comme une bête curieuse quelqu'un qui va dîner à l'Élysée. Les images de l'ascension sociale ont été en France presque radicalement coupées de l'accès au pouvoir politique. Admirable chance d'un développement d'un romanesque social complexe et subtil, dont Balzac a été le premier à utiliser toutes les possibilités. Alors là, on a un beau sujet d'étude. Il y a en effet tout un romanesque social qui est fondé sur le prestige poétique de ce roi absent. Mais ce n'est pas ce dont je vais traiter, ou pas exactement, parce que je crois que dans La recherche, le sentiment monarchique n'est pas limité à la problématique de la mondanité. Et donc ma question, c'est celle-ci. Comment cerner dans La recherche ce sentiment monarchique ? Qui l'éprouve ? Le narrateur ? Les personnages ? Est-ce que ce sentiment est un ? Comment peut-on retrouver une cohérence à cette matière ? Comment peut-on donner une cohérence à cette matière qui est à la fois riche et fluente ? Et l'hypothèse que je vous propose de suivre, c'est que dans l'univers de Proust, le sentiment monarchique montre comment le désir de sacralité imprègne la perception du monde social, comment ce désir de sacralité se diffuse ensuite hors du monde social dans l'appréhension d'autres formes et d'autres manifestations de la beauté. Autrement dit, je vais essayer de comprendre le passage du mot « roi » ou « reine » à l'adjectif « royal ». Ce qui est royal, c'est un adjectif, bien sûr, d'abord relationnel, royal, ce qui se rapporte au roi, à la reine, à la royauté, puis ensuite c'est un adjectif qui flotte, qui dérive, et c'est de cette dérive dont je vais vous parler. Alors, avant toute chose, je voudrais dissiper un malentendu. Le sentiment monarchique chez Proust n'est pas une mystique. Il n'y a pas, comme chez Peggy, une mystique monarchique, comme chez Peggy, bien sûr, une mystique socialiste, puis patriotique ou nationale. Alors, j'ai essayé de comprendre ce que c'était qu'une mystique royaliste, et pour ça, je me suis référé au livre de Jean Raspail, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Le roi au-delà de la mer », qui n'est bien sûr pas un contemporain de Proust, puisque c'est un roman qui est en réalité un essai, et qui a été publié en 2000. Mais ce texte dégage l'idée clé, et qui est une idée, à mon avis, transséculaire, l'idée clé qui fonde la mystique royaliste. Et évidemment, cette idée clé, c'est une idée, j'allais dire, religieuse, c'est l'idée que le roi est l'élu de Dieu, je cite Jean Raspail, « La grâce divine qui a fait les rois de France est un flux continu qui échappe au pouvoir des hommes, elle est éternellement transmissible chez ceux que Dieu a choisis, elle ne peut pas être interrompue, on peut couper la tête des rois chrétiens, les chasser, les oublier, la grâce divine court toujours. » Eh bien, ma question, c'est pourquoi ne court-elle pas chez Proust ? Qu'est-ce qui la rend organiquement impossible ? Et là, Luc a eu la gentillesse de le rappeler, tout mon travail sur le vocabulaire religieux dans la recherche m'a amené à penser que dans ce roman, l'artiste est la seule figure humaine qui peut prétendre capter quelque chose qui serait une grâce divine, qui existe sans doute, mais qui n'est jamais explicitement nommée chez Proust, et encore moins rattachée à une personne divine que l'on pourrait confesser comme telle. Ce que je veux dire, c'est que dans la recherche, il n'y a pas de place pour deux ordres de grandeur concurrents. C'est l'art et c'est l'art seul qui hérite et qui capte, qui hérite de tout ce qui fait défaut à l'ordre politique. Voilà. Alors, il n'y a pas de mystique royaliste dans la recherche, mais je crois qu'il y a un sentiment monarchique et ce sentiment monarchique est lié à l'intuition du sacré. Et c'est précisément le devenir de cette force sacrée et sa dissémination que je vais, dont je vais vous parler. Alors, d'abord, dans un premier temps, je vous montrerai que quand on entre dans la recherche, eh bien, on entre dans un monde qui est tissé par la présence des rois et des reines. Hein, voilà. Bon, et ce sera le premier point, un monde rempli de rois. Bon, c'est assez facile à montrer. Mais je montrerai que ces altesses, ces royalties, comme le dit Odette, ne sont pas les lieutenants de Dieu sur terre, mais sont plutôt comparables à des dieux olympiens, à des dieux qui sont au départ terrifiants et ensuite qui deviennent délectables avant peut-être de devenir dérisoires. Et dans un second temps, j'analyserai la manière dont les guermantes offusquent. Je me suis servi du beau titre de Morand, hein, le soleil offusqué. Offusqué, c'est-à-dire à la fois caché et en même temps, si je puis dire, agressé. Les guermantes offusquent à tous les sens du terme la présence royale parce qu'ils se l'approprient et ils la trahissent. Il y a quelque chose chez les guermantes finalement de l'aristocrate félon, de l'aristocrate usurpateur. Ça c'est la deuxième idée. Ensuite je vais montrer comment l'idée de royauté imprègne la pensée proustienne, en particulier par le biais des comparaisons qui émaillent les discours ou les points de vue des personnages. Et puis enfin, je me demanderai ce que l'esthétique de Proust doit et ce qu'elle fait à l'idée de royauté. Alors, il faut que j'aille vite quand même. Un monde rempli de rois. Bon, ben, c'est le troisième exemple. On est à Combray, on est dans l'église. L'un était l'un des vitraux, rempli dans toute sa grandeur par un seul personnage, pareil à un roi de jeu de cartes, qui vivait là-haut. Et je retiens ce verbe « vivait ». Ce n'est pas une représentation. Ce n'est pas un flux d'ondes, de lumière. Ce n'est pas quelque chose d'ornemental. Voilà. C'est quelque chose de vivant. Et qu'est-ce qui rend vivant le vitrail ? Eh bien, évidemment, c'est la culture. C'est le fait que l'enfant connaît ces listes de rois. C'est le fait que l'enfant a été nourri, pétri par toutes sortes d'anecdotes, l'école républicaine, mais aussi Augustin Thierry, etc. etc. Donc, deuxième témoin. Alors, même chose, hein, il y a les vitraux, mais il y a aussi les tapisseries. La tradition voulait qu'on eût donné à Assuérus les traits d'un roi de France et à Esther, ceux d'une dame de Guermantes dont il était amoureux. Voilà. Donc, on entre hein, le monde de l'enfance, dès le monde de l'enfance, les rois existent. Alors, passons à Paris. Et là, c'est Gilberte qui parle. Je vais chez une amie pour voir de ses fenêtres l'arrivée du roi Théodose. Ce sera superbe. Voilà. Et là, on sent bien, finalement, tout le prestige du roi sur les imaginations bourgeoises. Bon. On continue un petit peu. Alors, il y a quelque chose de très étonnant, c'est que La Recherche pourrait être un roman réaliste. Un roman réaliste qui se mettrait au service de l'idée monarchique. Vous savez, par exemple, que le père a une très grande curiosité pour la politique. Mon père disait que je ne m'intéressais à rien parce que je ne l'écoutais pas quand on parlait des conséquences politiques que pouvait avoir la visite du roi Théodose, en ce moment l'hôte de la France, et prétendait-on son allié. Donc le père s'intéresse aux réalités politiques, à la science politique avec Norpois. C'est-à-dire, les rois ne sont pas des personnages fantasmatiques ou fantasmagoriques. Les rois, ce sont des agents importants dans la diplomatie de l'Europe de la Belle Époque. Mais ça, ça n'intéresse pas le héros. Et donc, il y a tout un roman réaliste qui pourrait avoir lieu et qui n'a pas lieu. Regardez, c'est l'exemple 4 que j'aime bien. Alors, vous allez reconnaître le style inimitable de Charlus. « Je n'aime pas à beaucoup à parler de moi, prétérition, monsieur, mais enfin, vous l'avez peut-être appris, un article assez retentissant du Times y a fait allusion, l'empereur d'Autriche, qui m'a toujours honoré de sa bienveillance et veut bien entretenir avec moi des relations de cousinage, a déclaré naguère dans un entretien rendu public que si monsieur le comte de Chambord avait eu auprès de lui un homme possédant aussi à fond que moi les dessous de la politique européenne, il serait aujourd'hui roi de France. » Alors, vous savez, c'est ce moment très intéressant où Charlus joue à Vautrin et essaie en quelque sorte de faire du héros son protégé. Et ça ne marche pas, tout simplement parce que d'abord, le héros n'est pas homosexuel, il préfère les jeunes filles, et qu'ensuite, le héros ne s'intéresse pas à la politique. Mais on aurait pu avoir ce roman-là, d'un héros qui serait lancé sur la scène politique, un héros bien enraciné dans son territoire combrésien et qui deviendrait, en quelque sorte, sous l'égide de Charlus, un des tenants de l'idée monarchiste en France et en Europe. Bon, alors, en fait, que raconte La Recherche du point de vue qui est le mien? Eh bien, simplement, la transformation d'un enfant qui a rêvé sur les rois, en quoi? En un jeune mondain qui fréquente les salons et qui vit dans un monde, là aussi, où cette fois-ci, ce ne sont plus des rois de Vitraux, mais des altesses. Hein. Madame de Luxembourg, nièce du roi d'Angleterre et de l'empereur d'Autriche, exemple simple, et Madame de Weyrel-Parisis parurent toujours, quand la première venait chercher la seconde pour se promener en voiture, deux drôlesses de la pire espèce, dont on se garde difficilement dans les villes d'eau. Les trois quarts des hommes du Faubourg Saint-Germain passent aux yeux d'une bonne partie de la bourgeoisie pour des décavés crapuleux. Et là, on voit comment le roman construit la figure d'un renseigné, la figure d'un mondain compétent et qui peut se moquer finalement de l'ignorance crasse, soit d'un bloc, soit d'une Odette. Bon, voilà. Alors, le deuxième point, c'est sur le statut ambigu des Guermantes, vrai-faux monarchiste. Alors, deux choses à dire sur les Guermantes. D'abord, ce sont les pourvoyeurs intarissables de toutes sortes d'anecdotes sur les rois et les reines de France. Bon, je vous donne ce seul exemple, que je n'ai pas noté, d'ailleurs c'est un peu bête. C'est Madame de Villeparisis qui parle. « Je n'ai jamais vu mon père avoir son chapeau chez lui, excepté, bien entendu, quand le roi venait, puisque le roi étant partout chez lui, le maître de la maison n'est plus qu'un visiteur dans son propre salon. » Alors là, Madame de Villeparisis joue son rôle de grande dame. Elle épate, c'est son auditoire bourgeois qui ouvre de grands yeux et qui a le sentiment de vivre un moment historique. Madame de Villeparisis explique quels sont les usages, l'étiquette, etc. Bon. Et donc, les Guermantes sont là pour ça, pour faire revivre, en quelque sorte, toute cette tradition. Bon, alors, je saute beaucoup de citations, et j'en arrive au point problématique. Eh bien, le point problématique, c'est que Oriane, Bazin et Palamède, vous savez, la Sainte Trinité mondaine, se comportent comme s'ils étaient les rois. Regardez l'exemple 12. pour montrer qu'elle, c'est Oriane de Guermantes, la duchesse, ne cherchait pas à faire sentir dans un salon où elle ne venait que par condescendance la supériorité de son rang, elle était entrée en effaçant les épaules, là même où il n'y avait aucune foule à fendre et personne à laisser passer, restant exprès dans le fond, de l'air d'y être à sa place, comme un roi qui fait la queue à la porte d'un théâtre, tant que les autorités n'ont pas été prévenues qu'il est là. Vous voyez, et ça, c'est une idée que j'aime bien sur la comparaison. La comparaison, c'est une sorte de petite parenthèse qui vous explique comment il faut lire la scène, par quel petit trou de la lorgnette elle prend en quelque sorte toute sa signification. Et la signification, c'est que Oriane se prend pour une reine, qu'elle n'est pas, bien sûr. Donc, on a la thématique un peu de l'usurpatrice. Regardez l'exemple 13, c'est Bazin cette fois-ci, il est dans le salon de sa tante, la marquise de Villeparisis. Un sourire permanent de bon roi d'Yvetot, ça c'est Béranger, légèrement pompette, une main à demi dépliée flottant comme l'aileron d'un requin à côté de sa poitrine, etc. etc. Sans avoir à faire un seul geste ni à interrompre sa tournée débonnaire, fainéante et royale. Bon, voilà, c'est un roi fainéant. Autrement dit, c'est un parasite. Hein, voilà. Et regardez, normalement, quand même, c'est le duc de Guermantes. Ce devrait être un vassal exemplaire. Regardez, oh mon Dieu, monsieur, exemple 14, les rois et les reines, à notre époque, ce n'est pas grand-chose, dit monsieur de Guermantes, parce qu'il avait la prétention d'être un esprit moderne, et aussi pour n'avoir par l'air de faire cas des relations royales auxquelles il tenait beaucoup. Quel hypocrite ! Quel hypocrite ! Oriane, exemple 15, mon époux va me trouver bien mauvaise royaliste. Mais je suis très mal pensante, vous savez, je vous assure que ces chaisons-là, on en arrive à aimer tous ces haines, comme Napoléon, toutes ces abeilles. Mon Dieu, comme sous les rois depuis pas mal de temps, on n'a pas été très gâtés du côté de la gloire. Bon, vous voyez un peu cette rosserie. Hein, c'est une allusion, évidemment, à la chouannerie, à l'aventureuse duchesse de Berry. Et les Guermantes, on le voit, sont des gens finalement qui sont des j'allais dire qui n'entretiennent pas cette flamme de la mystique à la fois politique et religieuse de la royauté. D'ailleurs Bazin se trahit, hein. Non, ma cousine la marquise de Féterne était une royaliste enragée. C'était la fille du marquis de Féterne qui joua un certain rôle dans la guerre des Chouans. Autrement dit, il y a des royalistes enragés qui donneraient leur vie et leur peau pour défendre leur roi, mais rassurez-vous, ce n'est pas mon cas. Et en fait, que se passe-t-il ? Eh bien, il se passe que Oriane et Bazin sont tous les deux, et à leur corps défendant, gagnés par une sorte de perversion démocratique. Et cette perversion démocratique, elle est très très bien analysée par Oriane de Guermantes elle-même. « Oh, Oriane, c'est trop fort. On dirait que vous ne savez pas que le grand-père du roi de Suède cultivait la terre à peau quand depuis 900 ans, nous tenions le haut du pavé dans toute l'Europe. » Réponse d'Oriane, « Ça n'empêche pas que si on disait dans la rue « Tiens, voilà le roi de Suède », tout le monde courrait pour le voir sur la place de la Concorde. Et si on dit « Voilà monsieur de Guermantes », personne ne sait qui c'est. En voilà une raison. Ben, peut-être. Mais il n'empêche que le roman montre, et de ce point de vue-là, il est réaliste, que c'est Oriane qui a raison et que c'est la célébrité, la notoriété, la gestion d'un patrimoine, comme on dit aujourd'hui, immatériel, la gestion d'une tradition, la gestion presque quasiment commerciale et publicitaire de cette espèce de proximité des Guermantes avec les rois de France, c'est cette gestion qui l'emporte de loin sur ce qu'on pourrait appeler le cœur battant de la mystique monarchiste. Alors, c'est mon troisième point. Comment, dans ces conditions, penser le royal ? Alors, je dirais que pour Proust, l'idée de roi, c'est un peu comme l'idée de Dieu. Et il va falloir les distinguer toutes les deux quand même, parce que ce n'est quand même pas la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que la pensée ait un point de perfection qui circonscrit en quelque sorte qui circonscrit l'idée d'absolu. Vous savez, comme en grammaire, il existe un superlatif absolu. C'est-à-dire que dans la langue, au cœur de la morphologie, eh bien, vous avez une forme qui est peut-être l'attestation qu'il y a quelque chose d'indéracinable dans le sacré, absolu, sans point de comparaison. Et je crois que le mot « Dieu » fonctionne comme ça. D'ailleurs, Proust se le réserve à lui-même, hein, enfin, il le réserve à la figure du créateur. Le créateur est Dieu, hein, l'artiste est un créateur qui est la manifestation de Dieu dans le monde. Eh bien, que montre l'adjectif royal ? Eh bien, il montre que, justement, les hommes, quand ils appréhendent le sacré, ont besoin de lester cette idée de sacralité d'une part d'humanité. Et c'est ce à quoi sert le mot de royal. Alors, je pourrais montrer, par exemple, que dans l'esthétique de Combray, dès que quelque chose est beau, ou très souvent, en tout cas, on voit apparaître l'adjectif royal. Je pense par exemple à l'heure altière de midi, hein, qui est au sommet du clocher. Bon, eh bien, on sent que cette heure altière, c'est une heure qui est royale. Même chose sur la couronne florale à l'étang de Tansonville. Bon, il y a du royal là-dessous. Hein, voilà. Il n'est pas simplement question d'esthétique, hein, chez Proust, et je vous demande de regarder avec moi le bel exemple 18, qui est très drôle, pour voir ce que devient justement cette idée royale. Alors, ce sont les bourgeois à Balbec. Ils affectaient une attitude de méprisante ironie à l'égard d'un Français qu'on appelait Majesté et qui s'était en effet proclamé lui-même roi d'un petit îlot de l'Océanie, peuplé par quelques sauvages. Il habitait l'hôtel avec sa jolie maîtresse, sur le passage de qui, quand elle allait se baigner, les gamins criaient « Vive la reine !» parce qu'elle faisait pleuvoir sur eux des pièces de 50 centimes. Le premier président et le bâtonnier ne voulaient même pas avoir l'air de la voir. Et si quelqu'un de leurs amis la regardait, ils croyaient devoir le prévenir « que c'était une petite ouvrière. Mais on m'avait assuré qu'à Ostende, ils usaient de la cabine royale. Naturellement, on la loue pour 20 francs. Vous pouvez la prendre si cela vous fait plaisir. Et je sais pertinemment que lui avait fait demander une audience au roi qui lui a fait savoir qu'il n'avait pas à connaître ce souverain de Guignol. Et sans doute tout cela était vrai, mais c'était aussi par ennui de sentir que pour une bonne partie de la foule, ils n'étaient eux que de bons bourgeois qui ne connaissaient pas ce roi et cette reine prodigue de leur monnaie. Et alors, ce qui est très intéressant, vous voyez ces trois idées. Première idée, aujourd'hui est royal celui qui décide de l'être. Et c'est ça la démocratie. Si je décide d'être roi, je le suis. Je suis roi d'un royaume que je vais appeler la Stéphanie, hein, Stéphane Chaudier, roi de Stéphanie. Bon, voilà. Et c'est ça que font ces souverains. On pourrait imaginer que, je ne sais pas moi, Trump décide d'être le roi de son ranch. Hein, et c'est ça, la démocratie. Deuxième chose, le roi, c'est quelqu'un qui a besoin d'argent. Alors que Jean Raspail montrait très bien que s'il y a une mystique monarchiste, elle n'a strictement rien à voir avec l'argent. Et là, ce sont les piécettes, hein, de 50 centimes qui font le roi. Vous avez ici une parodie de Sacre Royal. Bon. C'est l'idée de l'argent qui corrompt tout, qui dégrade tout. Alors vous allez me dire, mais ça fait peut-être de Proust un écrivain royaliste. Eh bien non, parce que figurez-vous qu'il introduit des figures ici de bourgeois qui sont des hommes de loi, des notaires, premiers présidents, bâtonniers, etc. Et ces hommes de loi qui rappellent la loi en disant « on ne peut pas se déclarer roi comme ça, n'importe comment, avec des pièces de 50 centimes, c'est absurde ». Ces gens-là qui devraient être l'incarnation du bon sens, Proust les transforme en une incarnation de l'aigreur. Ils n'osent pas faire la même chose. Peut-être parce que, étant de bons bourgeois, ils sont un peu radins et ils ne veulent pas lancer les piécettes comme ça, n'importe où dans la rue. Hein? Bon, voilà. Alors, mon dernier point, c'est « Ma royauté est-elle de ce monde ?» Alors, je dirais que Proust n'est pas un philosophe systématique, c'est un philosophe éclectique. Luc l'a magnifiquement montré dans sa somme, et il n'a de pensée que celle qui lui permette d'écrire de bonnes scènes de romans. Et je crois que le cœur de la pensée proustienne, de ce point de vue-là, c'est l'analogie qui vient de Baudelaire très très forte entre... Pardon, c'est le lien très fort qui vient de Baudelaire entre analogie et prostitution ou analogie et profanation. Et là, je ne vais pas vous le relire, mais c'est ce qu'a lu ce matin notre collègue spécialiste de Saint-Simon. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'est un roi moderne, ce n'est pas la peine à la limite d'aller à Versailles, je suis désolé de dire une chose dans un lieu aussi beau. C'est pas la peine d'entretenir une correspondance avec un roi. C'est pas la peine de vous documenter. Il suffit d'observer une vieille hypochondriaque sans aucun prestige social, qui est une idiote. Léonie, elle est bête comme ses pieds, il faut quand même le dire. Et qui, néanmoins, a l'intelligence de ritualiser sa vie, de la transformer en une espèce de délire paranoïde et en même temps maniaco-obsessionnel. Et c'est chez cette folle absolue, chez qui personne n'a envie de vivre une seule seconde. Il faut la magie de Proust pour nous faire sourire à propos d'une existence aussi austère, aussi triste et aussi inimaginable. Bon, eh bien, c'est ça qui serait la figure de Louis XIV aujourd'hui. Alors là, bon, bien sûr, on peut le prendre de manière très souriante, très humoristique, avec un petit grain de sel, mais on peut voir aussi à l'œuvre ce qui, je crois, est un ressort de l'écriture de Proust, c'est-à-dire la profanation. La preuve, c'est l'avant-dernier exemple, l'éventail de la princesse, pardon, de la reine de Naples. L'éventail qu'elle a posé pour mieux applaudir Vinteuil mérite de rester plus célèbre que celui de Madame de Metternich, que celui que Madame de Metternich a brisé parce qu'on sifflait Wagner. Elle l'a même oublié, son éventail, dit Madame Verdurin, momentanément apaisée par le souvenir de la sympathie que lui avait témoigné la reine. Et elle montra à Monsieur de Charlus l'éventail sur un fauteuil. Oh, comme c'est émouvant, s'écria Monsieur de Charlus en s'approchant avec vénération de cette relique. Il est d'autant plus touchant qu'il est affreux. La petite Violette est incroyable et des spasmes d'émotion et d'ironie le parcouraient alternativement. Mon Dieu, je ne sais pas si vous ressentez ces choses-là comme moi. Swann serait simplement mort de convulsion s'il avait vu ça. Je sais bien qu'à quelque prix qu'ils doivent monter, j'achèterai cet éventail à la vente de la reine car elle sera vendue comme elle n'a pas le sou. Ajouta-t-il, la cruelle médisance ne cessant jamais chez le baron de se mêler à la vénération la plus sincère. Voilà. Alors là, pour moi, c'est un des sommets, je sais que Luc m'en veut beaucoup de dire des choses pareilles, mais c'est l'un des sommets de l'art moderne de Proust. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité, il y a émotion et ironie, il y a les deux postulations baudelairiennes. Il y a, si vous voulez, la postulation vers Dieu, l'émotion, et la postulation vers Satan, c'est-à-dire l'ironie. Vous avez la vénération et la profanation, les deux natures opposées, et il n'y a aucune synthèse possible. C'est simplement une sorte de mystère un peu effarant. Alors, je termine avec la citation 21. Qu'est-ce qui fondamentalement ne fonctionne pas pour Proust dans l'idée de monarchie? Vous avez la réponse. Et ce qui me touche, c'est que ce n'est pas une réponse politique, c'est une réponse philosophique, ontologique, et à mon avis, c'est même une réponse religieuse. Louis XIV, auquel les entichés de noblesse de son temps reprochent pourtant son peu de souci de l'étiquette. Si bien, dit Saint-Simon, qu'il n'a été qu'un fort petit roi pour le rang, en comparaison de Philippe de Valois, Charles V, etc. Donc Louis XIV fait rédiger les instructions les plus minutieuses pour que les princes du sang et les ambassadeurs sachent à quel souverain ils doivent laisser la main. Mais dès, et j'ai souligné, dès qu'il s'agit d'un sentiment profond, des choses du cœur, le devoir, si inflexible tant qu'il s'agit de politesse, change entièrement. Quelques heures après la mort de ce frère, quand on sait à quel point Proust a une espèce de fanatisme du deuil, quelques heures après la mort de ce frère, une des personnes qu'il a le plus aimé, quand monsieur, selon l'expression du duc de Montfort, est encore tout chaud, Louis XIV chante des airs d'opéra, s'étonne que la duchesse de Bourgogne, laquelle a peine à dissimuler sa douleur, ait l'air si mélancolique, et voulant que la gaieté recommence aussitôt, pour que les courtisans se décident à se remettre au jeu, ordonne au duc de Bourgogne de commencer une partie de brelan. Voilà. C'est là la condamnation. La condamnation de quoi ? De quelque chose qui devient une mécanique purement formaliste, une espèce de juridisme qui vide la vie de la substance qui lui donne un sens, et cette substance, c'est une substance émotionnelle, c'est une substance, comme on dit aujourd'hui, pathologique, le sentiment profond, les choses du cœur. Et là, moi, je crois très profondément que Proust est beaucoup plus qu'on le dit, le disciple de Rousseau. C'est le cœur qui importe, c'est l'émotion, c'est la sincérité de ces émotions, malgré toute la littérature, tous les travestissements possibles et imaginables, ce n'est pas le culte formel des étiquettes, des apparences, des convenances, toute cette mécanique qui est étrangère à la vie. Voilà. Et c'est de ça, je crois, pour Proust, que la monarchie française est morte. À un moment donné, il y a eu une perte de substance et l'heure est passée. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.